Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Allô. Et je suis aussi avec Exerve. Bonjour. Alors messieurs, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je vais vous faire mon petit refrain habituel. Le Patreon, déjà, on commence par ça, les choses importantes. Direct, on attaque, hein. On y va. Ouais, on ne perd pas de temps, on est là pour ça, hein. il faut pas se mentir, non. Le Patreon, la Blacklist, c'est le nouveau palier. Les champions ont été plus ou moins désignés sur le Discord. Hein. On voit que Pokémon, qui était face à GTA 4, a su se on débarrasser. On se souvient évidemment de la guerre terrible. la fameuse guerre de l'épisode de précédent, GTA 4, voilà, qui a déchiré. Nico Bellic contre Ouhou. Attention, vous voyez. Un petit peu avec qui je vais devoir travailler sur cet épisode. Donc voilà, la blacklist qui sera donc intégrée à la vraie liste une fois qu'on atteindra ce palier. Bon, on n'est pas pressé, hein, mais on serait content de l'atteindre quand même. On se le dit. Cet épisode est également sponsorisé par Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que, et effectivement, puisque... Mais pas que. Et pas que. World Premiere. World Premiere. Unless it's been announced before Friday. Yeah. We don't know. Non, la grosse exclue qu'on peut vous donner, là vraiment, vous êtes dans les la confidence. Bails, hein. Ouais, ouais, exactement. Et là, on baisse la voix, on rentre en mode confidence, attention. Il y a un livre sur Kaamelott qui va être produit chez Third Edition. Kaamelott, Alexandre Astier, La Cuillère. On en a gros. La on Cuillère, gros, pardon. Pardon. C'est pas bref, faux. Il va avoir. Vous connaissez. Voilà, vous connaissez tout ça. Bon, je pense. Ils ont le nez creux, hein, chez Third Edition. Bah, ils ont le nez creux jusqu'au Covid. C'est-à-dire que normalement, c'est vrai que c'était la période où ils étaient censés avoir le film. Oui, c'est vrai. Qui devait arriver. Puis bon, bah, évidemment, il a été décalé à cause de la situation que vous connaissez. Ils ont merdé, ils ont pas prévu le Covid. Hein. Non. Un peu déçu par Third Edition, mais voilà, ils vont quand même essayer de faire les choses correctement avec ce bouquin. On peut pas en dire bien plus que ça, à part ça, quoi. Bah, de toute façon, nous, on l'a pas encore lu, on n'a pas eu l'occasion de le voir. On a juste eu l'info comme ça dans un petit coin de mail du genre, hey, vous pouvez nous faire un petit clin d'œil. Voilà. Livre sur Kaamelott. À suivre donc sur leur compte Twitter, sur leur boutique. Bref, vous connaissez tout ça. Aujourd'hui, on va parler de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. C'est ça, hein, le vrai titre officiel, il me semble. Est-ce qu'on a choisi une musique? Non. Peut-être. Je vois que Benoît a son accordéon. Il l'a sorti, donc il est prêt. Je suis prêt, évidemment. 15 ans de musette, hein, bien sûr, entre deux épisodes de Dark Souls. Et mais de toute façon, c'est vrai qu'en termes de musique, il y a un ou deux thèmes quand même qui reviennent régulièrement et qu'on a un petit peu en leitmotiv tout au long du jeu. Mais comme le disait Max, c'est un peu soit ça de violon, soit ça de piano. Voilà, ça va on être verra, triste. On verra ce que nous sortira le DJ. Et on est parti pour un nouvel épisode. Soldats Inconnus, c'est sorti le 25 juin 2014. C'était dans le contexte du centenaire de cette fameuse guerre, 1914-1918. Je ne vais pas vous donner les cours d'histoire. C'est développé par Ubisoft Montpellier. On ne va pas forcément revenir sur toute la généalogie, sur l'empire Ubisoft. Je pense que ce serait un petit peu long. Par contre, on peut brièvement revenir ce studio en particulier, qui a été fondé par Frédéric Houde et Michel Ancel. Un nom que vous vous devez peut-être connaître, il est quand même assez connu dans le jeu vidéo français. J'allais dire dans le jardinage, mais c'était un peu tôt pour faire ce genre de blague. Dans le jardinage ? Oui, parce qu'il est parti, il a arrêté. Ah oui, c'est vrai, il a fini le jeu vidéo. C'est vrai. Élever des lamas ou des trucs comme ça. Il est parti faire un truc un peu, je sais plus exactement, mais dans ma tête, c'était jardinage. En tout cas, avant de faire du jardinage, ces deux personnes, à la fin des années 90, elles se sont rencontrées en fait chez Ubisoft, puisque Ubisoft, ça existait déjà à ce moment-là. Hein. Ils faisaient même des Péritel, des trucs, avant de faire du jeu vidéo, oui, sous le nom Guillemot, ils faisaient des périphériques, ils faisaient des pièces pour ordinateur, etc. On avait dit qu'on ne rentrerait pas, donc excusez-moi, je m'emporte. Ces deux personnes qui se rencontrent en fait chez Ubisoft, alors il me semble qu'ils se sont même rencontrés avant à Montpellier, je crois qu'ils étaient dans le même lycée, Mermoz, SO l'Occitanie. Ils ont fait un petit jeu qui s'appelle Rayman. Exactement, puisque Michel, lui, dessinait ce petit personnage et Frédéric, lui, il était plutôt sur la partie programmation. Et en fait, ils se rencontrent à Ubisoft sur un projet, je sais plus sur quoi ils bossaient. Et puis, ils se disent, tiens, ça matche bien, mais ce qu'on va faire, c'est on va partir d'Ubisoft et on va leur vendre, en fait, notre projet de Rayman. Donc, ils fondent ce petit studio qui sera, dans ses premières années, il sera carrément dans la maison de Michel Ancel. Hein, ils vivront dans des appartements. C'est un peu cette image de la... pas de la French Tech, parce que je pense qu'on ne parlait pas de French Tech à l'époque, mais tu sais, ils avaient les ordis dans des appartements, dans le garage, dans des trucs comme ça, le barbecue, table de ping-pong, les inondations, enfin bref, plein de petites choses qui leur sont arrivées. C'est à ça que tu penses avec le sud, mais qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau ? Non, mais alors, fun fact, parce que j'ai lu pour cet épisode, car nous faisons des recherches, je vous le rappelle, soutenez-nous sur Patreon, c'est important. Ils ont eu un gros épisode d'inondation à un moment quand ils étaient dans une villa, et il y a même une vidéo où on les voit nager dans les inondations qui sont à côté du studio. Voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote, je vous donne ça. Ok, bravo. J'accorde. T'es sûr que t'as pas vu les 11 commandements? C'est pas ça. Les sombres références. On va laisser Michael Youn tranquille. Il me sort des trucs des fois. Tout à l'heure, il y a eu Gomez et Tavares pour la présentation. On est sur de la grande culture aujourd'hui. Bienvenue. C'est un jeu français. On est obligé de rester sur nous. Bon, on va revenir un petit peu à plus de sérieux. Toujours est-il qu'au départ, effectivement, Rayman, on va essayer de rattraper Rayman. Ça, c'est en 95. Voilà. Effectivement, Rayman 2 en 99, qui sera donc développé dans cette fameuse maison inondation, vous avez compris. Qui est devenu entre-temps, donc... Non, Ubisoft Montpellier, c'est pas encore à ce moment-là. Oui, c'est un petit peu plus tard. Ça arrivera vers 2003, effectivement, au moment en fait, où sort Beyond Good and Evil, qui sera vraiment quand même le deuxième autre gros jeu qu'on associe à Michel Ancel, et qu'on associe d'ailleurs toujours à Michel Ancel, puisque je vous rappelle qu'on attend le second épisode depuis un petit moment maintenant. Ils développeront aussi un jeu King Kong, qui lui ne marquera pas forcément le paysage vidéoludique de son empreinte. Et puis, ils reviendront avec Rayman Origins en 2011. Ça, c'est un moment où là, le studio reprend un petit peu de la forme, revient un petit peu sur le devant de la scène pour Ubisoft. Et c'est notamment grâce à ce moteur qu'ils avaient développé en interne, qui s'appelait le Ubi Framework, il me semble. Oui, c'est ça. UbiArt Framework, exactement. Voilà, UbiArt. Je savais que je faisais une petite erreur. Ce qu'il faut dire quand même, c'est pour ça que je revenais un petit peu sur toute l'historique de ces personnes-là, c'est que c'est des gens aussi qui ont toujours beaucoup développé des outils. C'est des gens qui faisaient à la fois de la programmation, essayaient de développer des choses pour servir en fait leur création de jeu. Et c'est clairement ce qui se passe avec UbiArt Framework, qui était un petit moteur de jeu fait pour des jeux 2D. Et qui avait vraiment plusieurs avantages, en tout cas c'est comme ça qu'il le présentait à l'époque, comme un outil qui était à la fois très léger et très flexible, puisqu'il permettait aux artistes de directement eux-mêmes assigner des tâches ou des fonctionnalités à leurs assets très rapidement dans le moteur. Et le deuxième gros point qui était intéressant, c'est qu'il permettait de générer à la fois des personnages avec quelques éléments de traits, genre je sais pas, une moustache, des sourcils et un chapeau, hop, tu mixais, tu pouvais faire plusieurs personnages, et c'est ce qui se passera d'ailleurs sur Soldat Inconnu, mais aussi la possibilité de créer des grandes frises en parallaxe derrière, hein, ce qui permettait en fait aux artistes de vraiment se focaliser sur ce qui se passait au premier plan, de mettre du soin vraiment sur les animations, le design des personnages, et laisser un petit peu le moteur faire tout le travail en fait en arrière-plan. Donc voilà, c'était un outil qu'ils ont développé comme ça fin des années 2010 et qui a servi sur Rayman Origins et par la suite sur Soldat Inconnu et Rayman Legends, il me semble. Oui, c'est toujours la même chose. Ça va servir depuis, en fait, uniquement à Just Dance, depuis pas mal d'années. Ouais, c'est vraiment ça le moteur Just qui sert à développer Just Dance. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, ça c'était pour la petite partie anecdote. Donc à l'époque, Michel Ancel présente ce truc du Billiard Framework vraiment comme un outil qu'ils veulent ouvrir un petit peu aux autres pour leur donner justement la possibilité de faire des jeux en 2D tellement c'est facile. Et quelques années plus tard, dans une interview, Yves Guillemot disait, parce que quelqu'un en 2019 lui posait la question, mais au fait, le Billiard Framework, pourquoi vous l'avez jamais donné à quelqu'un? Et donc Yves Guillemot expliquait, c'était parce que c'était trop compliqué. Voilà, c'était trop compliqué, vous comprenez. Trop intelligent, voilà. On connaît l'excuse. Donc bref, c'est un peu étrange, on va dire, le destin de ce petit moteur. C'est marrant parce que tu vois, ils auraient pu se lancer sur le business comme ça de développer des moteurs parce que bah, y a des boîtes pour qui c'est extrêmement important. Tu vois, Epic, Unity, c'est cette tendance-là de créer des moteurs sur lesquels d'autres, plein d'autres acteurs peuvent travailler et sortir leurs jeux. On aurait pu se dire que cette Ubi En tout cas, c'était plus ou moins comme ça qu'on l'imaginait parce que c'était peut-être pas forcément l'idée de le donner de manière gratuite. Tu vois, ils auraient pu fonctionner un peu comme avec Unity. Avec un système de royalties, mais bon, bah, finalement, ils ont décidé de le garder pour eux. Et effectivement, bah, quand tu regardes un peu les jeux développés sur le Billiard Framework depuis 2015-2016, c'est uniquement tous les épisodes de Just Dance, puisqu'on le rappelle, c'est une des séries les plus lucratives de Ubisoft aujourd'hui. Ouais, c'est un truc finalement. Là, le Ubisoft, c'est quelque chose qu'ils ont mis dans la grande salle, c'est dans un peu comme je sais plus, c'est Indiana Jones où il y a un peu ce grand hangar, tu vois. Ils ont dû le mettre là avec leur projet de jeu indé. D'ailleurs, on reviendra un petit peu sur cette fin plus tard, mais c'est l'occasion de parler du coup. De cette période entre guillemets indé des AAA. Donc on parle d'Ubisoft, ils ont sorti, donc comme on l'a dit, en juin 2014 il y a eu Soldat Inconnu, mais deux mois avant, en avril, il y avait Child of Light aussi, ouais, qui était aussi développé du coup sur le sur l'UbiArt par Ubisoft Montréal. Pour le coup, Child of Light, c'est quoi? C'est un RPG avec une DA très poétique, c'est très JRPG parce qu'en fait ça reprend le système de combat de Grandia, le tout premier, et effectivement ça va reprendre aussi des petits éléments un peu de plateforme, un petit peu vite fait, tu vois, de Zelda-like un peu. Voilà, c'est un jeu vraiment très basique, ça fait partie de ces jeux, tu vois, qu'on peut conseiller aux gens qui veulent découvrir des mécaniques de jeux vidéo. Pour le coup, c'est pas une grande réussite d'après moi. Voilà, pour moi, j'ai pas beaucoup aimé ce jeu, mais par contre c'est vrai qu'il a il a eu sa petite notoriété à l'époque, et surtout comme il est sorti en diptyque avec Soldat Inconnu, c'est vrai qu'on a eu cette espèce de période indé, je fais beaucoup de guillemets aériennes, pour pas mal de gros éditeurs, puisque bah, Ubisoft ne sont pas les seuls à ce niveau. Non, et puis Ubisoft avait continué, il y avait quand même Groom et Growup qu'on peut citer, et là ça faisait plus. Donc là c'est pas l'UbiArt Framework, mais je pense que c'est Ubi Reflection qui fait ça. Ouais, c'est ça, en fait, c'est des prototypes, ils travaillaient sur ce qu'on appelle l'animation procédurale, c'est-à-dire en gros le fait que le moteur va s'adapter en fonction des actions des joueurs et des joueuses pour créer l'animation à la volée. Et ça a donné ce personnage qui a l'impression d'être bourré, le petit robot, on a l'impression qu'il est tout le temps bourré. Espèce de petit robot qui et des énormes plantes. Ouais, et c'est très cool. Hein, ça, avec pour une coup, mécanique d'escalade qui était effectivement très sympa. On alternait entre les deux gâchettes. Ouais. C'est vrai que c'était, ça pas mal bien. Fait. En fait, si on parle de ça, c'est surtout parce que au début des années 2010, bon, ça, vous le savez si vous écoutez l'émission régulièrement, c'est le grand boom des jeux indés avec l'Xbox Live Arcade, Steam qui arrive bien à se mettre en place. Et surtout, en fait, la formalisation d'une espèce de second marché avec des jeux qui étaient beaucoup moins riches en termes de contenu et qui étaient aussi pricés. Donc avec une stratégie de prix bien en dessous de ce que se faisait dans le AAA, donc c'était des jeux qui étaient allés à 15 balles, 20 balles. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est que voilà, vers la moitié des années 2010, comme ça, 2014, 2015, 2016, y a plein de gros éditeurs qui ont essayé de s'immiscer un petit peu sur ce marché avec des projets de cette envergure, c'est-à-dire un peu moins gros, beaucoup moins de contenu. Hein. Si vous prenez un Soldat Inconnu, j'imagine que c'est sorti la même année qu'un Assassin's Creed, puisque bon, il y avait un Assassin's Creed tous les ans pendant les années 2010. Ça va, tu prends pas trop de risque. Il y avait également un Call of Duty et un FIFA cette année-là. Exactement. Wow. C'était, je ne prends pas trop de risques, mais en tout cas, c'était beaucoup moins riche en contenu et c'était aussi vendu beaucoup moins cher. Alors, j'ai pas réussi à trouver vraiment le prix de vente à l'époque, puisqu'il n'y a aucun foutu site qui met le prix de vente. C'est toujours des affiliations. Donc, je sais pas, est-ce que c'était 15 euros, est-ce que c'était 20 euros. En tout cas, je sais que là, sur Switch, priori, actuellement, voilà, il est à 20 euros. C'était un prix beaucoup plus bas et c'était, comme tu disais, une volonté d'essayer de toucher ce marché qui était en pleine explosion à ce moment-là. Hein. Le marché des indés, vraiment, c'était la grosse période. On rappelle par exemple 2012, il y a Outland Miami, il y a, alors on est encore sur du indé avec des très grosses guillemets, il y a Journée, et c'est des titres, en fait, comme tu as dit, beaucoup plus petits, beaucoup moins chers, qui se retrouvent nommés dans les mêmes catégories que, je sais pas, Mass Effect 2 ou 3, je sais plus vraiment, je sais plus quel Halo, ça on en avait parlé, tu vois, il y a des salons où ils peuvent rafler des prix aux très gros, et ça se vend aussi peut-être à 1 million, 2 millions de ventes. Donc forcément, quand on est un AAA spécialisé dans le jeu vidéo avec beaucoup plus d'employés que des petits pecnos dans leur garage, on se dit, nous aussi, voilà, on peut aller sur alors, ce segment. Pour le côté petit petits pecnos, le soldat inconnu, ils étaient quand même une soixantaine de personnes. Soixantaine de pecnos. Ça fait quand même beaucoup de pecnos. Tu vois, c'est justement la différence entre Ubisoft qui dit on va faire un jeu, grosse guillemets, indé, on va juste mettre 50 ou 60 personnes dessus, tu vois, versus les 400 qui bossent sur Assassin's Creed. Et c'est ça, je pense, l'argument, tu vois, c'est qu'ils voient justement des gars qui leur raflent un peu la vedette, ils disent bah voilà, nous on va en mettre 60 dessus, on a les moyens, on a les compétences, et donc c'est pas les seuls, puisqu'il y a eu Ori and the Blind Forest aussi, avec Microsoft qui éditait ça, qui mettait quelques billes dedans. On se souvient peut-être du Square Enix Collective qui s'était lancé en 2014, une espèce de label où ils recevaient des projets. Life is Strange, c'était pas un petit peu dans ce contexte là que ça avait été fait? Non, c'est pas du Square Enix Collective. D'accord, ok, c'est du post ça. Là, ils sont plus en édition plus classique. Non, mais chez EA, on peut penser à Unravel par exemple. Ouais, voilà, ça c'était vraiment 2016, ouais, dans cette typologie de jeux là. Ouais. Et ce qui est important aussi par rapport à ces studios, parce qu'on les comparait aussi aux petits pecno indés, et notamment Ubisoft qui est très important, c'est qu'ils ont tous les canaux de communication, toutes les relations presse qui sont en place. Donc c'est vrai que ça fait quand même aussi une autre grosse différence avec toute la sphère indé. Enfin, ils avaient l'assurance en fait de pouvoir faire parler de leur jeu au-delà de ces thématiques et des collaborations qu'on mentionnera après. Que ça soit Ori, Unravel, ouais, ou même Soldat Inconnu, enfin voilà, ils étaient présentés sur le grand show floor de l'E3, etc. Donc c'est sûr que quand tu vois les petits jeux indés qui galèrent à juste avoir une petite publicité quelque part, c'est effectivement pas les mêmes moyens. C'était des jeux quand même avec des DA différentes et qui du coup, dans l'esprit du public, de loin, on pouvait clairement les calquer sur ce qu'on avait l'habitude de voir en D. Tu vois Soldat Inconnu, Braid, esthétiquement, c'est du 2D, c'est ouais, un c'est peu du dessin, puzzle. Etc. Tu te dis, c'est la même typologie de jeu, et c'était vraiment ça l'idée, c'était que ces gros éditeurs, ils se sont mis sur cette offre-là qui trouvait un public. Et ça a participé à toutes ces discussions, c'est quoi un jeu indé? Ouais, puisqu'on avait déjà, eu genre Devolver qui arrive, on dit, c'est un éditeur de jeu indé, je comprends pas le principe, et là on a des éditeurs / studios AAA qui font des jeux format indé. Donc ça a lancé toutes ces passionnantes discussions. Et qu'est-ce que c'est l'indépendance? Est-ce que c'est l'indépendance financière? Est-ce que c'est l'indépendance créative? On ne refera pas la discussion qu'on a eue hors micro pour la préparation. Et vous posez toujours cette question, parce que c'est une question qui n'a jamais vraiment de réponse hyper claire. C'est mais jamais justement, très net. C'est ça qui est intéressant, c'est que les différents gros studios, en fait, ont permis de flouter cette définition-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un côté vraiment petit jeu, petit budget, ouais, égale jeu indépendant, et c'était un peu ça dans l'imaginaire collectif. Et en réalité, on se rend compte que c'est plutôt une offre, comme tu le disais, Hugo. Il y a plutôt cette idée de jeu indé, guillemets, qui serait une sorte de genre, un sous-genre en fait, qui est une proposition avec un prix plus petit, moins de moyens, une durée de vie un peu plus faible, etc. Et d'ailleurs, fun fact, moi j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les jeux indé comme ça, sur le marché des jeux vidéo indépendants, et j'avais fait donc toute une étude sur justement cette perception prix. Et c'était assez marrant parce que de mon panel que j'avais interrogé, qui était genre de, je sais pas, 800 personnes, un truc comme ça, il y avait vraiment. C'était 50%, t'avais 50% de gens qui disaient oui, un jeu indé ça doit coûter moins de 20 €, pardon, et il y avait 50% qui disaient moi je m'en fous, ça peut coûter plus cher, parce que c'était aussi le moment, tu sais, en 2016 il y a The Witness qui sort, ouais, où il y avait eu cette grosse question, effectivement, encore une fois ce morcellement ton truc prix, de fin d'études c'est 2016 oui, parce que j'avais un peu fait traîner, mais effectivement mon mémoire je l'ai fait, c'était en 2016. C'est chaque fois je prends des coups de vieux dans cette entreprise, mais c'était un master, c'était en fin de j'entends. 29 ans, Ali, ça ne fait pas si longtemps que j'ai terminé. Bref, tout ça pour dire que voilà, Ubisoft se met sur ce créneau-là. La création du projet, on va revenir un petit peu dessus, du coup, Ubisoft Montpellier. La personne qui va vraiment être à l'initiative du projet, c'est Paul Tumler, qui deviendra en fait directeur artistique sur le projet, qui avait commencé en fait à faire des petits dessins, les personnages, et en fait les personnages ont beaucoup plu au reste de l'équipe, notamment Johan Faniz qui était là à ce moment-là, et du coup ils se sont dit, ok, on va se lancer dans la conception de ce jeu. Et donc quand on regarde un petit peu la création du jeu, on voit très tôt qu'ils ont voulu donc traiter le sujet de la guerre et particulièrement de la Première Guerre mondiale, on pourra revenir là-dessus, et un truc qu'ils ont voulu faire dès le début, c'est de ne pas faire un FPS, puisque c'est vrai qu'en général le traitement de la guerre, il y a deux choix, hein. C'est soit un jeu de stratégie, soit jeu de tir à la première personne, pour essayer de ne pas proposer un traitement trop guerrier en fait, pour pas essayer de trop mettre en avant, tu vois, le côté héroïque de la guerre classique, parce que justement leur objectif c'était de traiter ça de manière peut-être plus humaine, avec des considérations plutôt, tu vois, centrées autour de quelques personnages, pour montrer un autre visage, on va dire, de la guerre. Oui, pas les soldats. Qui... Pas ouais, montrer voilà. En fait le soldat, pas montrer vraiment bah montrer la violence, mais une autre violence, celle qui a touché bah les populations qui ont bah toutes les populations qui ont été touchées par cette guerre. Et du coup, effectivement, ouais, comme tu le dis, quelque chose de plus intimiste, mais voilà, des personnages qui n'ont pas un rôle guerrier. Alors après, bon, en termes de choix de gameplay, on aura l'occasion d'en discuter, mais ils ont fait des choix du coup plutôt proches de bah, du jeu d'aventure, un peu old school. Ouais. Hein, tu vois, c'est vrai qu'on est plus vers du point and click par moment, petit jeu d'aventure avec des petits puzzles, il y a des manivelles, il y a des choses à pousser. Bah, les deux grosses refs, c'est Machinarium, donc le jeu de Amanita Design, hein, si je ne me trompe pas, et Limbo de Playdead, qui était sorti plus ou moins dans ces eaux-là. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que bah, les personnes qui ont travaillé sur ce projet, la plupart, elles avaient bossé sur Rayman Origins, donc c'est quand même un jeu qui est plus dans le skill, la dextérité, l'adresse, puisque c'est vraiment du jeu de plateforme très à l'ancienne où il faut des réflexes, etc. Donc c'est pas vraiment leur ADN. Et de l'autre côté, bah, Johan Faniz, il revenait de bosser sur le sound design d'Assassin's Creed. Et avant, il avait fait les Lapins Crétins, hein, c'est ça ? Il a bossé, donc c'était Assassin's Creed 2, je crois, sur lequel il... Le meilleur. C'est ça. Lui, il vient du sound design beaucoup. Mm. Je crois qu'il bossait pour un studio d'animation avant de rejoindre le jeu vidéo. Il a beaucoup travaillé sur le son. Et de mémoire, ouais, sur Rayman et les Lapins Crétins, là, dans les crédits, je crois, il est directeur. Il fait partie des directeurs. Donc, il a eu l'occasion quand même de chapeauter un petit peu des projets avant de retourner vers le sound design. Puisque bon, pour un jeu énorme comme Assassin's Creed 2, forcément, t'es plus spécialisé. Ah, oui, ouais. Et là, pour Soldat Inconnu, bah, il a eu un petit peu plus de... Comment dire, plusieurs casquettes, plusieurs rôles à jouer dans la conception du jeu. Et de toute façon, la plupart des personnes qui ont travaillé sur ce jeu, elles ont eu l'occasion de s'exprimer et tu sentais qu'il y avait une envie voilà, de traiter ce sujet de la guerre, soit parce qu'il y avait une histoire tu vois, avec leurs grands-parents ou quoi que ce soit, ou parce qu'ils avaient une envie tout simplement de revenir un peu sur ce sujet-là. Ça tombait bien puisque c'était la période où allait arriver le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Et donc, ça leur a permis également de travailler avec la mission centenaire et également la série documentaire Apocalypse. C'est pour ça que dans Soldat Inconnu, on se retrouve à avoir ces espèces de petites fiches façon un peu Encarta. Ouais. Moi, j'aime bien. Qui ont été fournies par les gens qui avaient fait la série, effectivement, dans cette grande série documentaire. Je sais pas, c'était gros quand même ce truc, hein, série Apocalypse. Vous l'avez vu, vous, ou pas ? Oh, ça remonte à 7 ans, j'imagine. C'était il y a beaucoup trop longtemps, je ne me rappelle plus. Non, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément suivi ce truc-là de très très près. J'ai même découvert en fait l'existence d'une partie de ces trucs-là grâce à Soldat Inconnu. J'étais passé à côté. Hein. À l'époque, je l'ai fait Soldat Inconnu il y a une semaine et demie. Donc c'est très récent pour ma part. Mais, Le jeu s'intégrait vraiment dans cette démarche-là. En fait, il y avait des partenariats. Tu vois, tu sens que Ubisoft avait mis un peu les petits plats dans les grands pour être un peu dans cette démarche commémorative, un petit peu avec un petit peu une vocation quand même, pas d'éducation, mais faire un truc historique et travailler sur les mémoires. C'est vrai que moi personnellement, je m'en souviens pas, mais là, j'avais relu pour l'occasion, pour l'épisode, la BD de Jacques Tardy, c'était La Guerre des Tranchées, et il y a une postface qui est rédigée, qui a été rédigée du coup après 2014, ou peut-être 2004, mince, je sais plus. Mais il y a cette histoire de, ça commémore un moment l'anniversaire, et bon, après, Jacques Tardy, c'est quelqu'un qui montre vraiment les horreurs de la guerre, qui dénonce un petit peu la censure de l'État, vraiment l'autorité et la misère des hommes, et à la fin il gueule justement contre toutes ces commémorations un petit peu focus, un petit peu hypocrite, ouais, tout ça, ouais. Bah là, quand on commémore, c'est bon, il y a du monde, il y a le défilé de ministres et compagnie, oui, je pense que le Soldat Inconnu a pu s'inscrire un petit peu dedans, en tout cas dans cette présence médiatique, quoi. Ouais, c'est plus gentillet que Tardy qui avait aussi fait les illustrations de Céline, sûr. Voyage au bout de la nuit, bref, c'est un autre mouvement, un autre regard sur la guerre, c'est pas celui qu'on aura dans Soldat Inconnu. Et ça, c'est pas mal de noter dès maintenant, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse volonté, tu vois, de com et d'inscrire le jeu dans toute une idée particulière du côté de chez Ubisoft, donc bon, c'est pour ça, tu vois, sur le côté jeu indé, c'est toujours un peu particulier. En tout cas, il est annoncé à l'E3 2014, il sort dans la foulée, hein, puisqu'il sort quelques jours après seulement. On avait déjà vu un petit peu des images de ce jeu-là, et en termes de réception critique, il a plutôt bien fonctionné, puisqu'il a eu deux récompenses. Alors, Game Awards, je les ai notées, le Games for Change et la meilleure narration. Voilà, donc quand même pas... Il les a gagnés, c'est pas juste nominé. Donc ça a quand même eu une bonne réception, je crois même que sur Metacritic, j'ai plus le score exact en tête, mais c'était plutôt positif. On était dans les 80, il me semble. C'est quand même dans les gros jeux. Et en termes de vente, alors selon Steam Spy, il y a déjà déjà un moment, il était au moins à 500 000 sur PC. Et, mais après, bah, il est sorti hein, sur. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, j'ai pas fait mon intro. Oui, il est habituel. Ressorti sur Switch. Il est sorti sur Switch, sur Xbox, PlayStation, avec, un peu partout. Sur Switch en physique, avec Shadow of Light. En boîte, en tout cas, c'est. Oui, il y a un bundle qui est sorti. Parce que moi, je l'ai acheté tout seul sur Switch en démat. En démat, ouais. Mais alors, il me semble, alors là, ça à prendre avec des pincettes, parce que j'avais lu, je crois, une interview de Yuan Fanis il n'y a pas très longtemps qui parlait de son prochain jeu, on pourra revenir dessus. Ça parle à un moment de Soldats Inconnus et de 5 millions de joueurs. Voilà. 5 millions de joueurs. De mémoire. Qu'est-ce voilà, que ça veut dire, 5 millions de ça, joueurs. Ça, c'est toujours les stats. Tu sais pas ce que ça veut dire. En fait, il y a plein de gens qui l'ont prêté à leurs potes, donc voilà, ça multiplie par 5. En général, c'est utilisé quand il y a eu des free-to-play ou des bundles ou quoi, mais là, pour le coup, c'était un jeu payant, donc... Depuis 2014, de toute façon, il a dû se retrouver dans plein de Humble Bundle, de plein de trucs, donc oui. C'est compliqué d'avoir des chiffres très précis, parce que Ubisoft, il faut pas oublier qu'ils sont leur propre boutique, avec Uplay, donc forcément, ils ont leurs chiffres à eux qui communiquent pas forcément. On va avoir des résultats chaque année avec les résultats financiers, Oscar Le Maire, coucou. Mais là, moi, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de chiffre exact pour dire est-ce que le jeu s'est bien vendu ou pas. En tout cas, c'est un jeu qui est plutôt connu. Ouais. En tout cas, en France, je sais pas, au niveau mondial. Je pense qu'il y a ce petit côté un peu chauvin, forcément, d'un jeu français, du coup, qui parle en plus de la guerre, etc. Ça, forcément, je pense que c'est des jeux qui rapidement se retrouvent comme ça dans les discours. Cette DA très particulière, quand même, qui était, on reviendra dessus, mais qui était très différenciante, qu'il mettait d'ailleurs un petit peu dans ce panier jeu indé, arty, etc. Et c'est vrai que l'UbiArt Framework, Rayman Origins, moi je trouvais ça magnifique, et là le jeu est quand même vraiment joli, il a une gueule en fait, il a une tronche comme ça, et c'est vrai qu'on te dit c'est français, tu dis oui bien sûr c'est chez nous, nous on fait de la BD comme ça, évidemment. Évidemment. Oui, c'est un jeu qui a une aura, et comme on le disait, il y a les petites fiches historiques, donc il y a eu en plus un petit peu cette surcouche, et en plus on apprend des choses, ça peut être un peu pédagogique, etc. Donc c'est vraiment un jeu que la presse a envie d'aimer, en tout cas, ou que les gens ont envie de montrer en disant, les jeux vidéo c'est pas que la violence, il y a Soldats Inconnus. C'est vrai que ça fait partie un peu de ces bons élèves, tu sais, qu'on met comme ça en avant, comme ça on les pousse comme ça sur le devant de la scène. Allez-y, regardez, c'est Timéo. Il est très fort en flûte, mais par contre en mathématiques aussi, il est fantastique. Voilà, un jeune prometteur, Monsieur Macron. Voici. on parle un peu, tu vois, de films oscarisables. Tu vois, Soldats Inconnus, il est un peu, c'est le jeu. J'ai pas le terme. Précisable, tu vois, média généraliste, on va dire. Et donc, comme d'habitude, je vais prendre le relais pour vous parler un petit peu de l'histoire du jeu, puisque l'objectif de Soldats Inconnus, donc, c'est de vous faire suivre un peu le destin de différents personnages. Le groupe de base, donc, c'est le groupe qui se compose de Karl, qui est un immigré allemand qui vit côté français et qui a épousé effectivement Marie, la fille d'Émile. Et au début de la guerre, les gendarmes, pas très sympas, ils prennent Karl et lui disent « Tu vas combattre du côté allemand, on se reverra dans les tranchées. » Tu vas dans l'autre équipe, plus sur le terrain. Plus tard, ouais, c'est ça, ouais, t'as été sélectionné par l'autre équipe. Quand la guerre a été déclarée, forcément, tous les Allemands qui vivaient en France ont été ramenés dans leur pays pour qu'ils se battent. De toute façon, il y a eu une mobilisation générale, c'est-à-dire que vraiment, tous les hommes de, je sais plus quel âge jusqu'à je sais plus quel âge sont c'est dans les rangs du côté français, du côté allemand, c'est la même chose. Et évidemment tout le monde part à la guerre. Émile lui aussi va spontanément retrouver va aller s'engager. Il est cherché. Lui il est mobilisé et il décide du coup de profiter de cette occasion pour essayer de ramener Karl en fait, et de le ramener à sa fille, parce que en plus elle vient d'accoucher, elle a son enfant, etc. Donc c'est pas très cool. Entre temps il va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Freddy. Lui c'est un soldat américain qui s'est engagé spontanément dans la Légion étrangère pour aider les troupes françaises, enfin les troupes alliées. Parce qu'il voulait venger la mort de sa femme qui avait été tuée justement au moment où la guerre éclate en France. Il a une petite backstory, il vient de Louisiane, il se mariait en France, La Rochelle, tout ça, et ça a mal tourné malheureusement. Du coup, il s'engage et il va rejoindre, et on va le croiser plusieurs fois. Lui, son petit gimmick, c'est qu'il fait péter des trucs avec. Ouais, c'est vraiment l'explosif, tu vois. Lui, c'est le spécialiste en TNT, c'est le Rican, dynamite. Je fais péter des trucs. Il met des coups de poing, il fait copier des trucs. C'est assez rigolo. On va croiser d'autres personnage aussi, il y a Anna, donc elle c'est une Belge qui est plutôt côté infirmière puisqu'elle a tout son mini-jeu avec les soins, etc. Et elle en fait elle est à la recherche de son père qui a été enlevé par les Allemands parce qu'il peut fabriquer des armes. Et donc en petite parenthèse j'avais mis comme le papa d'Indiana Jones, tu vois, les Allemands évidemment qui enlèvent les trucs. En plus il a un petit côté petite moustache, enfin bref. Oui c'est le petit scientifique, tu sais, qui travaille très, sur des armes de manière très innocente, et là les méchants vont le récupérer, genre tu vas fabriquer des armes pour nous maintenant, Metal Gear Solid. en plus il y a une espèce de de gros chars d'assaut à un moment façon Metal Slug, Metal Gear, ça peut fonctionner. Il y a tout un tas de péripéties. Emile et Freddy, en fait, vont vraiment devenir très très proches tous les deux. Un peu malgré eux, ils vont être décorés à plusieurs reprises pour des actes de bravoure et d'héroïsme, même si on sent que Emile, lui, bah, il a son propre objectif, c'est-à-dire de retrouver Carl. Donc dès qu'il peut, il va essayer de. Il essaie de d'éviter les conflits, plutôt de rester un peu en retrait tant qu'il le peut et qu'il n'y a pas un chef pour lui dire vas-y, il faut aller. Ouais, il faut courir, etc. Et d'ailleurs, ça va lui jouer des tours parce qu'au bout d'un moment, il va vraiment se retrouver au plus dur de la guerre dans des moments où bah, là, il doit se cacher avec ses collègues derrière des monceaux de cadavres pour pouvoir éviter les mitrailleuses allemandes. Et il finit en fait par se rebeller, enfin, pour c'est quoi le terme, de faire une mutinerie, c'est ça, et de tuer un officier. Et à la fin du jeu, il sera carrément fusillé pour son acte de trahison. Alors qu'il ne sait pas, malheureusement, que Carl est toujours en vie. Ça, c'est un peu le drame, tu vois, de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, Carl, lui, à un moment donné, il est enlevé... il est fait prisonnier, pardon, par le côté français. Il va réussir à s'enfuir. Et en fait, en chemin, il aura la bonne idée d'échanger sa plaque et ses fringues avec un cadavre qu'il trouve par terre pour faire croire qu'il a disparu pour de vrai. Du coup, forcément, Émile, Marie, sont tous prévenus de la mort de Carl. Et donc, lui, malheureusement, il ira au peloton d'exécution croyant que son gendre est mort et qu'il n'a pas réussi sa mission. Alors qu'en fait, Carl, alors là, les péripéties, je vous raconte pas. Il y a Fast and Furious, il y a Anna qui fait des drifts comme ça avec les chars d'assaut. C'est vrai qu'on on retraverse vraiment toute la guerre. Il y a tous les grands moments. Il y a au début à Paris où on est avec Anna. Il y a même une mission à Paris. On voit la tour Eiffel. Oui, c'est la mission avec les taxis de la Marne où elle doit réparer une petite voiture et puis partir. Il y a Verdun. Il y a tous les grands moments quand même de la guerre. En tout cas sur ce front-là, cette partie du front qui sont représentées dans le jeu. Et donc on les vit toutes de l'intérieur. Il y a des grands moments dans les tranchées, il y a des moments où il y a des bastons de chars, il y a des moments avec du gaz, etc. Bref, on retraverse quand même tout un peu l'iconographie qu'on connaît de la Première Guerre mondiale. Et à chaque fois, du coup, comme tu le disais, il va y avoir en fait deux ensembles d'éléments de collectibles. Il va y avoir en gros des trucs à collectionner qui sont plus liés au jeu. Ça va être des objets qui vont représenter des trucs qu'on pouvait trouver à l'époque. C'est des clés, en fait. Ouais, il y a des petites clés de compréhension. Tu vas trouver une lettre d'un soldat allemand. Tu vas trouver un petit crucifix qui a été fait par un soldat allemand dans une tranchée avec du bois ou avec des os ou un truc comme ça. Donc des petites mémorabilia de la guerre. Et il va y avoir les fiches, donc Mission Centenaire, qui là sont fournies avec des photos d'archives recolorées. Pour montrer un peu plus le côté, on va dire, historique de la chose. Et voilà. Donc l'histoire se termine sur une note quand même très sombre, puisque du coup, Emile est fusillé, etc. Mais de l'autre côté, Carl, il a réussi à retrouver sa famille. Et alors vraiment, dans un tas de péripéties, je ne vais pas toutes les raconter, mais il arrive à retrouver donc, le village de sa femme et de son fils, qui en plus ont été attaqués à ce moment-là. Il arrive à les sortir des flammes et du gaz de leur maison. Ils sont sauvés par Anna, et à la fin, tout le monde vit heureux. Ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Même le chien, je crois que le chien... Le chien est encore en vie, et ça c'est génial, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Walt. Le chien a beaucoup d'enfants aussi. Ouais, le chien a beaucoup d'enfants. Le chien a réussi à survivre, parce que c'est vrai que sur l'affiche du jeu, on voit Emile, donc avec sa tenue de poilu, qu'il ne porte jamais dans le jeu, parce que très rapidement, il est avec son Marcel et sa pelle, et c'est son uniforme à Emile. Et il est avec ce fameux chien allemand, Walt, qui va devenir son compagnon, et qu'on va jouer et incarner, d'ailleurs, voilà. Moi j'avais vraiment très peur qu'il tue le chien à la fin, ils ont été sympas, ils l'ont pas fait. Ils ont juste tué Emile. Ils ont tué Emile, ouais. Ce qui est pas mal, c'est qu'eux, ils voulaient vraiment faire justement ce jeu avec plein de personnages, un jeu un peu choral comme ça, où justement on montrerait un peu des destins entremêlés. Comme je le disais, c'est pas faire du jeu de puzzle et même narratif, c'était pas du tout dans leur ADN. Et Johan Fannis, il a dit qu'on lui avait dit que pour écrire une bonne histoire, faut commencer par la fin. Du coup, je pense qu'il y a ce moment justement qui peut être un petit peu tire-larme où Emile se fait fusiller. Bah, tu sens que c'est ce moment, ils ont commencé par ça et ensuite ils ont construit un petit peu tout le jeu derrière. En remontant de manière un peu rétrospective comme ça, et c'est comme ça qu'ils ont construit la narration en entremêlant le truc. C'est pas non plus un récit qui est... Il n'y a pas non plus de grands moments éclatants, tu vois, je trouve, en termes de mise en scène, un truc comme ça, mais ça fonctionne bien, quoi. L'histoire se laisse bien suivre. Et comme tu le disais, une des grandes forces du jeu, c'est que ça permet de montrer plein de situations. Le fait d'avoir une Belge, un Américain qui vient de la Légion étrangère, un Français, un Allemand, comme ça, on voit vraiment toutes ces situations. Toutes ces situations, du coup, assez entre guillemets iconiques ou représentatives de la Première Guerre mondiale. Et ça, dans le jeu vidéo, c'est assez rare, parce que la Première Guerre mondiale, quand même, elle comment dire, elle fait un peu pâle figure à côté de la seconde, qui c'est un peu la reine des guerres. Ouais, la première est un peu moins sexy, on va dire, dans l'imaginaire collectif. Bon, déjà parce que la deuxième, c'était vraiment mondial, on va dire, puisque les Américains, donc tout de suite, si tu mets les Américains dedans, il y a un petit peu plus de peps, tu vois, ça pète un peu plus. Il y a des explosions, il y a des frites, il y a des trucs. C'est plus sympa. Non, mais il y a plusieurs fronts, enfin, il y a des fronts plus variés, du coup, parce qu'on a vraiment dans l'imagerie, il y a le Pacifique, donc tu vois, ça va être plus tropical, on va avoir en Russie. Si, il y a la neige. Tu vois, c'est le level designer. Là, on va pouvoir faire des plantes, les gars. Enfin, voilà, on n'est pas coincé dans la boue. Voilà, ou, s'il vous plaît. Ou au cinéma, évidemment. Tu vois, ça permet quand même de faire plein de. Tu vois, en termes d'imagerie, tu vois, sur les pellicules, vous choisissez quoi, la neige, tropique, la campagne française. Bon, voilà, ça fait voyager la non, mais on dit ça en rigolant, mais c'est vrai qu'en fait, en préparant l'épisode, on s'est rendu compte que la Première Guerre mondiale, spontanément, tu te dis, oui, c'est pas forcément le truc qui va permettre de faire de la mise en scène vraiment de grands trucs d'héroïsme. Tu vois, la plupart des grands films, ça va être sur la guerre du Vietnam, ça va être sur la Seconde Guerre mondiale, on va penser à tout un tas de films comme ça, mais des trucs comme 1918 ou quoi, c'est plutôt récent, tu vois, finalement. 1917, effectivement, et quand on regarde un peu les jeux vidéo, donc il y a des jeux vidéo qui parlent de la Première Guerre mondiale, il y avait des wargames dans les années 80, des choses comme ça, il y a eu quelques tentatives de FPS, notamment il y en a un qui s'appelle bêtement Verdun, donc là-dessus, on sait de quoi il retourne, mais par contre, la plupart du temps, c'est toujours la Seconde Guerre mondiale, Omaha Beach, tu vois, vraiment, le débarquement. Et puis les nazis. Voilà. Enfin, il y a un antagonisme facile à faire avec les nazis. C'est une figure vraiment du méchant. Et a raison, hein. Donc c'est quand même bien pratique, on va dire, si tu veux créer du conflit, si tu veux créer des tensions, des choses comme ça. C'est beaucoup plus simple, comme tu le dis, à mettre en scène, alors que la Première Guerre mondiale, c'était une guerre un peu chiant-lit, quoi. C'est les tranchées, on attend, on est au milieu avec les petits potes, on chope des saloperies dans les tranchées. Enfin, qu'il y a ce côté, tu vois, où les raisons de se battre, et c'est montré quand même à travers le jeu Soldat Inconnu, n'étaient pas forcément si évidentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de bloc, tu vois, du bien global qui doit tuer l'idéologie nazie pour les empêcher de dominer le monde. Il y a vraiment cette idée que il y avait quand même des trucs complètement absurdes qui se passaient, et c'est des situations qu'on vit dans Soldat Inconnu, notamment ce passage là, donc c'est le chemin des dames, qui est le moment où Émile va tuer son officier supérieur. C'est vraiment le truc où t'es là, t'es poussé, tu vois, par des officiers à tirer, alors que t'es là, non mais je vais mourir, moi. Il y a l'allemand qui tire avec sa mitraillette, je sais qu'il faut que j'attende. Les mutineries à ce moment là c'est une des choses qui caractérise l'histoire de la Première Guerre mondiale. Ces officiers vraiment qui deviennent un petit peu fous du combat et qui envoient des hommes, alors que même objectivement la meilleure stratégie serait de rester chez soi tranquillement. Et parce que ce qui signe vraiment l'identité de la Première Guerre mondiale, c'est ça va être, comme tu le disais, t'as l'attente, parce que c'est beaucoup de bombardements, c'est des obus qui vont de 7 à 900 kilos en gros. C'est pas 7 à 77 ans, c'est de 7 à 900 kilos. Je vous avais dit un truc que je trouvais super intéressant, c'est que tu vois les morts par balle ou baïonnette, ça représentait qu'un petit pourcentage. Bayonet, en fait, c'est 1%, c'est pas grand chose en fait. Le combat vraiment tel qu'on l'imagine, genre des mecs qui se battent comme ça dans la boue, tels des grands héros, en fait non, c'est juste des gens qui attendaient et bam, ils se prenaient un pruneau sur la tronche et ils étaient morts. Ou alors t'as une mitrailleuse posée, t'as les gens qui vont mourir à cause des maladies, à cause de la dysenterie, à cause des problèmes, parce que justement les tranchées, ou les gens qui vont mourir parce qu'ils sont dans des couloirs de mines, galeries qui se sont effondrées. Enfin, vraiment, là pour le coup, tu le vois avec ce jeu là c'est pas des situations qui sont très, alors tu vois, nous on a le terme fin du gameable, mais il y a le terme également, tu vois, Call of Duty, un truc comme ça, quoi. C'est ça. Il y a ce biais en fait où ça vend pas des belles histoires. C'est vraiment de la misère, tu vois. La Première Guerre mondiale, comme c'est la boue, c'est les barbelés, c'est des cadavres qui pourrissent, c'est des boyaux, c'est ça, c'est dégueulasse. Donc oui, ça vend entre guillemets, ça fait des histoires. Moi, les histoires dont je me souviens plus pour la Première Guerre mondiale, c'est vraiment aussi la fraternisation, tu vois, avec l'ennemi, c'est Joyeux Noël, c'est des choses comme ça, parce que c'est vraiment des hommes vraiment qui sont dans la misère la plus totale, qui se battent pas vraiment forcément pour un idéal. Disons qu'une fois que t'as passé un petit peu le début de la guerre, ça fait 2 ans que t'es dans les tranchées, et surtout il le racontait dans une interview, parce que ils ont fait beaucoup de recherches évidemment pour le truc, ils sont allés même sur les endroits où il y a encore les traces justement de ce conflit, et il racontait ce qui les avait choqués, c'est de voir à quel point les tranchées, elles étaient proches. C'est-à-dire que, tu sais, les Allemands et les Français, en fait, c'était pas grand-chose, c'était pas une grosse distance qui les séparait. Et tu disais, on est là à attendre, il y a l'ennemi qui est à 300 mètres et c'est un premier qui sort la tête et qui s'en prend une. Et c'est vrai que, c'est pas une guerre qui a été faite de grands conflits comme ça, très spectaculaires. C'est vraiment, comme tu disais, l'attente. Et là, la boue. T'as une fiche qui m'avait marqué dans les petites fiches historiques là, du jeu, où ils disent que le No Man's Land, donc la période, tu vois, la zone entre les deux zones, zone de tranchée où les gens ils se faisaient tuer, et à des moments où elle était aussi petite que 50 mètres. Tu te dis 50 mètres, c'est genre de l'autre côté de la rue, tu vois, il y a l'ennemi, et en fait ça fait un an que vous êtes là, face à l'un face à l'autre, à attendre et à vous tirer dessus ou à vous envoyer des bombes. Enfin, tu te dis, bon, ok. Donc c'est vrai qu'il y a, effectivement, nous ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ben, il y a peu de jeux finalement qui parlent de la Première Guerre mondiale, et il y a encore moins de jeux qui font le choix qu'a fait Soldat Inconnu d'avoir un traitement peut-être plus humain, plus, tu vois, à une échelle humaine, avec quelques personnages qui n'ont pas forcément des histoires d'héroïsme et de combat et de trophées de guerre ou quoi que ce soit, mais qui ont des objectifs beaucoup plus terre à terre, retrouver un gendre, retrouver son père, venger la mort de sa femme, voilà, des trucs comme ça. Et c'est marrant que ce soit l'américain qui est le truc le plus cliché de l'histoire, tu vois. Oui, mais au final, parce que bah, l'allemand aussi, c'est marrant, parce que tu vois, c'est un allemand qui, lui, s'est retrouvé, et je pense que c'est des histoires qu'on peut imaginé très crédible à l'époque, tu vois, bah, je veux dire, avec le côté frontalier, qui ont été déchirés, ouais, parce qu'il y avait des, bah, effectivement, quand t'habites très très proche, enfin, c'est comme nous, on est en Alsace, on le sait très précisément. Nous, on peut prendre le tram, on va en Allemagne. Voilà, on va en Allemagne, donc il y a beaucoup de transfrontaliers, de gens qui, des Allemands qui vivent ici, des Français qui vivent juste de l'autre côté. Bon, en général, c'est plutôt les Allemands qui vivent chez nous, parce que c'est plus sympa, il faut le dire. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui sont comme ça recomposées, et c'était déjà beaucoup le cas à l'époque. Et du coup, bah, c'est vrai que la guerre a vraiment créé, ouais, déchiré des familles. En fait, Soldat Inconnu, je trouve qu'il s'inscrit quand même dans la tradition des fictions quand elles parlent de Première Guerre mondiale, comme je disais, beaucoup plus à échelle humaine, misère à tout. Mais comme tu le dis, là où ils ont réussi, c'est de le faire en jeu vidéo. Et c'est vrai qu'eux, ils ont une approche assez intéressante. Il y a une approche un peu pour toute la famille, je trouve. Dans Soldat Inconnu, il y a ce côté, tu peux y jouer à partir du collège, il y a une approche. Bah, c'est assez cartoon, hein. Comme on le disait, t'as une DA déjà BD, il y a un design, bon, on voit pas les yeux, enfin, il y a les moustaches qui prennent pas mal de place, enfin, voilà, ouais, y a plein de petits. Ils ont des petites jambes, ils ont des petites animations un peu rigolotes. Comme ça. Et ça, c'est un truc qui nous a marqué parce que ça permet en fait de créer vraiment une ambiance assez unique. C'est un jeu qui a une atmosphère très particulière parce que d'un côté, il y a ce côté très humour. Alors nous, moi personnellement, pendant plusieurs jours, j'ai fait chier ma copine à parler dans leur espèce de patois, le gibberish comme ils disent, où ils font la guerre, la France et comme ça. Parce que du coup, c'est assez marrant. Ces voix-là ont été enregistrées et sont les mêmes dans peu importe la langue dans laquelle vous allez faire le jeu. Max, toi, t'avais fait le jeu en anglais, donc c'est ces mêmes voix-là avec le fameux il faut lui couper la quenouille quand on va lui couper la jambe. Ou le bras à un moment. Donc tu as tous ces passages-là, tu vas avoir tout un tas d'approches et de représentations visuelles qui sont très légères, vraiment très simples, même si des fois, bah voilà, c'est effectivement des morceaux de cadavres, des gens qui sont en train de mourir et tout, il y a des trucs qui sont même assez crades. Et ça permet en fait de donner une tonalité peut-être un peu plus légère, un peu moins dramatique, un peu moins dure, même si derrière on a la musique qui régulièrement va y aller avec les violons et les notes mineures. Donc c'est pour ça, le côté les puzzles aussi, ça c'est Max qui l'avait noté, le côté vraiment, voilà, encore une fois, de 7 à 77 ans, on peut y jouer. C'est un jeu PEGI 12, et tu le sens que c'est un jeu qui a quand même une portée un peu pédagogique, dans le sens où il y a ces fameuses fifiches qui permettent de revenir un peu sur des moments historiques. Et donc l'idée, c'est de se dire, on apprend 2-3 trucs, on joue, on essaye de voir un petit peu, et puis si on veut évidemment creuser un peu plus, il y a des tonnes de livres d'histoire qui permettent de se pencher là-dedans. Puis voilà, tu vois, en termes de puzzle, on est sur une construction qui est assez effectivement, comme tu dis, qui peut correspondre à tout le monde, tu vois. C'est juste aller trouver un objet qui a du sens, tu vois, le mec, faut aller à un moment, tu sais, faut laver les chaussettes pour un gars, faut faire des échanges dans les camps de prisonniers, les trucs comme ça. Donc en plus, il y a plein de petits puzzles qui représentent des choses qui ludifient, on va dire, des choses qui se passaient concrètement et qui nous les font ressentir comme ça par le jeu. Ils expliquaient d'ailleurs qu'ils avaient fait justement, encore une fois, le choix du puzzle pour montrer que nos personnages n'étaient pas surpuissants, tu vois. Ils n'allaient pas faire des sauts de 4 mètres, tirer 200 balles, des trucs comme ça. L'idée, c'est de trouver la solution à des petits problèmes qui les empêchent de progresser, de trouver des petites solutions comme ça. Et du coup, le puzzle, ça matchait bien avec cette idée-là. Et comme on le disait, il y a le chien, tu vois, qui est très cartoon, mais en termes de puzzle, ça marche bien. On va envoyer le chien là-bas pour qu'il nous ramène tel objet, ou alors il va carrément tirer un levier quand on lui demande de le faire. Donc oui, il y a cette tonalité assez particulière dans le jeu. Ouais. Ce qui est bien, en fait, aussi avec cette DA cartoon, je trouve, c'est comme tu le dis, c'est que on peut deviner en filigrane, en fait, toute l'horreur de la guerre. Elle est bien là. C'est-à-dire que quand il y a des montagnes de cadavres, on les voit, tu vois, ces montagnes de cadavres, elles sont là. Il y a les trucs de gaz, où il y a des grands moments où il y a des personnes qui sont enfermées, il faut les sauver, tu vois, ce gaz, qui tue les gens, là, littéralement. Il marche dedans, au bout de 3 pas, il meurt. Exactement. Ouais. T'as les galeries aussi. Moi, je trouve que, quand tu repenses à ce que ces gens-là, ils ont dû vivre sous terre comme ça à creuser des galeries. Moi, je savais pas d'ailleurs que il y avait des gens où il y avait cette espèce de tactique de creuser des galeries sous les galeries de l'ennemi d'en face pour que ça s'écroule juste au-dessus et donc enterrer vivant ceux qui étaient au-dessus. Enfin, c'est des choses que je trouve assez terribles. Donc, quand tu intellectualises un petit peu tout ce qu'on te montre, je trouve que tu peux quand même revivre vraiment les horreurs et se dire franchement c'était affreux quand même, c'est vraiment l'enfer quand même. Mais comme c'est donné avec cette ambiance là, ça donne une accessibilité à toute cette horreur et ça te la met pas comme ça en pleine prunelle dans la tronche, ça ne te sort pas du jeu, tu ne subis pas non plus le truc, mais dès que tu y réfléchis un petit peu c'est quand même là. Et c'est vrai que du coup, enfin en tout cas moi j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre sur la tonalité qui était plutôt réussi quoi. Il y a un point par contre où l'équilibre est très délicat, c'est que donc sur une majorité du jeu tu ne tues personne, tu assommes beaucoup en tapant derrière avec une cuillère ou avec une pelle ou quoi. Mais il y a des scènes de jeu où il y en a, donc à la fin comme on disait déjà tu super, même si c'était pas son intention, il dit vraiment il a mis un coup de pelle pour l'assommer mais il a tué, ok. Mais il y a un moment par contre t'es dans un tank, je crois que c'est avec Freddy que t'es dans le tank, et tu vas tirer alors sur des avions, ça c'est sûr, je sais plus si tu tires sur des hommes, je crois que oui, mais oui si t'as des mecs qui sont des bunkers ou devant des bunkers et hop tu tires et là bon il y a pas vraiment de justification quoi. Et je me souviens on était allé à l'Indiecade en je sais plus 2016 peut-être, ça devait le premier être Indiecade, ouais. Et il y avait une conférence de Yuan Fanis qui parlait un petit peu des jeux qu'il avait fait, et à un moment quelqu'un avait posé la question et lui avait dit c'est bizarre, vous avez mis un passage où là vraiment pour le coup bon on tue des gens, ça contredit un petit peu le jeu, tu vois, le message du jeu qu'on pouvait croire non violent ou en tout cas ça s'affichait comme ça. Et il avait dit ouais bah on l'a prototypé et en fait c'était fun, donc du coup on l'a gardé. Et tu fais ah ok, ouais c'est vrai que c'est bon, c'est après un peu spécial, ça reste un jeu vidéo, c'est à dire qu'il y a aussi bêtement des intentions ludiques derrière et ça se ressent. C'est vrai que ces passages là en char d'assaut ou même les passages en voiture, tu vois, moi c'est ce que j'appelle les passages Fast and Furious, tu sens que c'est des petits prototypes de gameplay qu'ils ont trouvé rigolo, ils se sont dit on va les garder, ça marche bien, parce qu'en plus ces séquences là en bagnole, tu vois, ça fait très Rayman Legends je trouve, parce que c'est en rythme avec la musique, t'as le French Cancan avec et hop t'as les tonneaux qui arrivent et qui vont exploser et toi tu dois les esquiver, donc c'est très simple, c'est très léger ce genre de choses là et à côté en permanence le jeu va quand même nous rappeler cette réalité là via ces fameuses fiches, via la musique qui est vraiment la musique, alors là c'est vraiment tire l'arme.mp3 et tu attires ça sur 2 heures avec effectivement la fin qui a peut-être été imaginée dès le départ où on voit donc Emile qui va marcher et qui va revoir un peu tout ses amis, qui va revoir un petit peu sa vie, on va dire, défiler devant ses yeux avant de se retrouver face à ses meurtriers. Et surtout, le jeu qui, via le narrateur, va en fait de temps en temps comme ça garder ce côté important, très grave, tu vois, très sombre de la guerre, et qui va d'ailleurs terminer sur la phrase que la guerre rend les hommes fous. Ouais. C'est ce qu'il dit en français, hein, j'ai vérifié. En anglais, il termine pas dessus, mais c'est dans sa fin, dans sa dernière tirade, il y a vraiment la phrase « War makes men mad » et la voix, elle est tremblante, tu vois. Donc ça fait aussi partie des outils un petit peu tire-larme. Après, je sais que tire-larme, c'est péjoratif, tu vois, assez souvent, mais bon, là, c'est à chacun de juger, tu vois. Il y a des gens, je pense, qui trouveront peut-être que c'est too much, d'autres, c'est bon, qui étaient à fond dedans et qu'on laissait couler les larmes, on laissera à chacun mais justement, nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que même s'il y a ce truc-là, comme c'est contrebalancé par des côtés un peu plus légers, des petits moments de gameplay un peu plus simples, et surtout ce choix de visuel très BD qui laisse beaucoup la part à l'imagination... Effectivement, il y a une histoire d'équilibre. C'est moi, c'est ce que j'en suis ressorti avec ce truc-là où je me suis pas dit on a vraiment voulu m'arracher mes larmes, etc. Non, c'est j'ai appris 2-3 trucs. Il y avait des choses que je savais pas forcément, donc j'ai pu apprendre 2-3 petits détails, etc. Et le jeu en lui-même fonctionne, même si les situations de jeu sont pas toujours, elles se répètent beaucoup. Et mais puis même, je trouve sur cette, tu vois, dans cette idée, eux, ils étaient dans une démarche aussi commémorative, comme on le disait. Tu vois, j'y ai joué. Tu reprends, tu dis oui, effectivement, c'est notre histoire. Forcément, tu dis on a vécu ça et il faut pas l'oublier, tu vois, il s'est passé ça chez nous et voilà, on a été capable de ça. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, on a été capable de bien mieux, hein, on a monté encore le game, mais c'est vrai que moi je trouve que ça fonctionnait bien, tu vois, j'en suis ressorti en me disant il y a eu ce rappel qui est toujours bien, parce que c'est vrai quand tu l'apprends au collège, mais après tu reviens pas forcément dessus, tu vois, et je trouve que ça fonctionne pas mal. Et je comprends qu'on puisse pas complètement adhérer à l'intégration des fiches qui est complètement déconnecté pour le coup du gameplay, pas déconnecté par contre du jeu, parce qu'en général c'est des fiches qui s'appuient sur ce que tu vois ou la situation que tu es en train de vivre, donc c'est quand même la bonne occasion, tu vois, ton cerveau, je trouve, il est OP, il est prêt à réceptionner ce Moi, quand je rentrais dans une situation, tu sais, dans un nouveau chapitre, tu sais, qu'il y avait un petit feedback sonore qui te dit que t'as une nouvelle fiche, bah, c'est vrai que je me disais, tiens, c'est quoi cette bataille? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y avait ça? Ou quand, tu sais, il y a le chien qui arrive et te dit, bah voilà, il y avait genre 10 000 chiens qui étaient là, ils servaient, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Et puis t'apprends, en fait, des trucs, tu vois, ils te disent, ah oui, alors les gens comme Freddy, ça existait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une centaine d'Américains qui se sont engagés. Forcément, parce que comme tu l'as dit, c'est des choses qu'on a vues plutôt au collège, donc ça te permet de te rafraîchir un peu la mémoire et de faire ce qu'on appelle bêtement le devoir de mémoire, puisque ça finit d'ailleurs là-dessus. Hein, il me semble vraiment qu'une des dernières images du jeu, c'est le cimetière où on voit donc la tombe d'Emile, avec l'idée de il faut se souvenir des gens qui sont tombés là-dessus, sont tombés pour cette guerre. Et en plus, tu as même une scène post-crédit où tu as Freddy qui lui part, genre la guerre 2, le retour, tu vois, où il enchaîne. Donc voilà, vraiment le jeu. Comme il y a plusieurs. Désolé, je te coupe, comme il y a plusieurs perspectives, en plus, c'est pas justement, tu ressors pas du jeu en te dire c'était pas à la gloire de cette guerre, genre ouah, c'était trop, enfin, tu vois, ce truc patriotique et tout, qu'on peut justement voir un petit peu parfois détourner, alors que cette guerre, c'était quand même l'horreur et c'était con comme le monde d'aller faire la guerre. Enfin, il y a rien de plus horrible et d'absurde que la guerre, je pense. Et je trouve que le jeu, tu restes quand même dans cette idée-là. Il n'est pas du tout, du coup, dans cette glorification qu'on peut avoir à la fois dans d'autres jeux vidéo. C'est du FPS, machin. C'est le héros. C'est un seul mec qui va faire toute la différence. Tu sais, tu vas sauver le c'est truc. C'est pas Rambo. Hein, voilà, t'es pas la pièce de puzzle, la pierre angulaire qui va tout faire basculer les opérations. Non, là, t'es pris dans ce grand tourbillon. T'essaies de résoudre des problèmes qui sont à une échelle beaucoup plus intime. Et je trouve que ça marche bien. Et que ça te rappelle que c'était de la connerie quand même, et que j'espère sincèrement qu'on n'y retournera pas dans ce genre de saleté, mais bon voilà. Donc vraiment, sur ce côté tonalité et traitement de la guerre, le jeu permet vraiment de se détacher du traitement habituel de la guerre dans les jeux vidéo, qui est souvent le côté, comme tu disais, d'occasion de vivre des moments héroïques, etc. Mais par contre, dès qu'on commence à se pencher vraiment sur la partie gameplay, c'est pas aussi solide que ça, parce que justement... tout comme le jeu essaye de nous faire vivre plusieurs histoires en parallèle, chaque petit personnage, un peu à la Lost Viking, tu vois, va avoir ses compétences particulières. Emile, c'est Bernie, hein, il a sa pelle, comme ça, il est là exprès pour creuser des trous. Freddy, lui, fait tout péter, il a sa petite pince pour péter les barbelés. Anna, elle va soigner les gens. Walt, le chien, il va aller ramasser des trucs. Enfin, tout le monde a un petit peu ses petits pouvoirs, et ça va donner des situations qui parfois fonctionnent très bien et vont avoir vraiment un écho très très juste avec les situations qu'ils essayent de dépeindre. Et parfois, il y a ce sentiment que c'est un jeu vidéo, donc il fallait mettre des leviers, il fallait mettre des puzzles, moi notamment tous les combats de boss, tu vois, face aux chars d'assaut de Von Dorf. J'avoue que c'était les moments justement où on tombait un peu dans le vice du jeu vidéo, où c'était un petit peu too much, où tu sais, voilà, tu balances 10 machins de dynamite pour péter la roue, des trucs comme ça, tu dis bon, là. Ouais, il y a des moments où ça colle pas en fait avec l'urgence de la situation. T'es un tout petit peu à côté de l'équilibre et ça marche pas hyper bien. Et puis il y a un côté très systématique en fait où il faudrait timer, tu vois, mais je pense qu'il y a ce côté, pas plus de 5 minutes sans puzzle. Vraiment, voilà, c'est très systématique. Et les puzzles, bon, ils sont assez basiques. On se disait entre nous, tu sens que c'est un peu ce que tu as quand tu fais du game design, ce que tu as de base, tu vois, quand t'as été. C'est ce que tout le monde sait faire, en fait, une fois qu'ils sortent un petit peu de l'école, c'est que des prototypes que t'as déjà fait. Il y a plein de. Oui, il y a plein de mini-jeux que tu pourrais qui sont basiques sur téléphone ou quoi, tu vois. Le mini-jeu de Anna, de soigner, oui, c'est vraiment un jeu de rythme. Je pense que c'est celui où tu te dis, bon là, vous êtes vraiment allé piocher dans la petite boîte à outils, genre le jeu de rythme, appuyez au bon moment sur le bon bouton. Bon, c'est des trucs qu'on a vu dans plein de jeux. Hein. C'est pas les premiers à le faire. Clairement pas, et c'est certainement pas les derniers, mais c'est vrai que là, tout au long du jeu, toutes les situations de jeu, en fait, tu te dis, j'ai déjà vu ça, je connais, c'est-à-dire par exemple, tu sais, le fait quand tu dois t'échapper et que tu passes entre les sauts de lumière, ça s'éteint, c'est du timing, tu connais le truc du mini-jeu de rythme, tu connais aller chercher un objet pour le donner à un autre, et puis l'objet, ça va, tu sais, tu remontes comme ça une espèce de petite filière d'objets pour arriver au truc dont tu as enfin besoin, tu connais, Carl, il peut se déguiser, c'est Hitman, tu connais bref, c'est vrai qu'en plus il y a tout un niveau où c'est littéralement Hitman, parce oui, que oui, en permanence tu t'es là, alors un coup t'es un soldat français, ensuite t'es un gendarme, ensuite t'es un officier, enfin, vraiment tu passes d'un costume à l'autre en mode... Clairement, en général, quand tu designes un jeu vidéo, il y a un peu deux approches extrêmes, c'est-à-dire soit tu pars de l'histoire et ensuite tu réfléchis les mécaniques, soit tu pars de la mécanique et ensuite tu réfléchis à l'univers, à l'histoire qui va justifier tout ça. Généralement, c'est un mix des deux. Là, pas tellement. Tu sens que t'es dans l'extrême où on a voulu parler de Première Guerre mondiale, on a voulu faire les décors, on avait la DA et on s'est dit en mécanique, on met quoi ? Bon, on va mettre des puzzles, on va bien trouver, tu vois. On va ça, c'est un peu le regard qu'on peut y porter aujourd'hui, tu vois, ouais. En 2021, parce que je pense qu'en 2014, ça aurait pas été forcément la même chose. Moi, comme j'y ai joué il y a vraiment très peu de temps, je l'ai regardé avec ce que je sais aujourd'hui du jeu vidéo et je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce qu'à cette époque, le jeu vidéo ne cherchait pas systématiquement à faire résonner ses séquences de gameplay avec son histoire. Et autant il y a des moments où tu sens qu'il trouve le truc, vraiment, moi, là, tu le disais, la séquence où Carl il doit s'enfuir de la prison française et il doit faire du troc avec d'autres prisonniers, ou la même chose quand c'est Émile qui doit aider, il doit récupérer juste une plume et un bout de papier, et ça c'est des choses qui sont rares effectivement à l'époque, donc il doit aider un soldat, et l'autre il doit lui amener une bouteille de vin, etc. Tout ça fonctionne bien, et à d'autres moments tu sens que c'est complètement artificiel, et c'est juste du bah, il fallait qu'on fasse un jeu vidéo. T'as un moment notamment où il y a un puzzle avec Carl où tu sais tu dois tourner une tuyauterie, ouais, tu sais, c'est une espèce de gros puzzle, vraiment un petit casse-tête. Ah ouais, non, comme ça, c'est infernal. Ça, quand je suis tombé dessus, je fais bon, oh là là, les gars, putain, c'était vraiment pas nécessaire ça. Et en plus, il est pas si évident que ça, donc j'ai un peu pas bugué dessus, mais bon, ça, c'est le genre de truc. C'était le soir, j'avais pas envie de réfléchir à ça. J'étais là, oh non, pourquoi vous me faites ça, les enfants? Mais donc, effectivement, parfois, il y a des trucs où c'est un petit peu too much, c'est juste du jeu vidéo et c'est pas. Ouais, c'est pas hyper intéressant. Le moment que j'ai trouvé le plus audacieux, c'est à la fin, quand t'incarnes Emile et qu'il va au peloton d'exécution, où t'es obligé de marcher. C'est la seule mécanique possible, mais c'est un, si t'arrêtes, il a l'arrêt et il se passe rien. Donc t'es obligé de rester appuyé sur marcher. Et là, il va voir Carl qui apparaît un peu, qui disparaît, Walt et tout. Et je sais plus s'il y a des décors qui changent un peu en fond ou quoi. T'as les soldats qui se mettent au garde à vous. Bon, voilà, c'est un côté, oui, tu dois juste rester appuyé sur un bouton, mais il y a quelque chose narrativement, je trouve, qui fonctionne un peu, même si c'est quelque chose qu'on avait déjà pu voir. Je sais pas, ça peut être Bastion, ça peut être Journée, ouais, mais c'est des moments qui fonctionnaient quand même déjà bien à l'époque et il n'est pas sorti très longtemps après. Hein. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que là, tu vois, Benoît, tu disais qu'à l'époque on faisait pas ça, je suis pas trop d'accord en fait. Dans l'émission, en fait, ouais, il y en avait déjà, et c'est ça justement qui est intéressant, je pense, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, Ubisoft, le jeu indé, etc. C'est qu'en fait, c'est quand même un jeu qui reste très sage dans son approche du projet indé, du narratif, tu vois, qui dit bon, bah, on va raconter une histoire, et du coup, on le nourrit avec des puzzles parce qu'il faut quand même nous occuper, il faut quand même qu'il y ait des situations de jeu. Il faut quand même que c'est une tronche de jeu vidéo, et quand tu y joues, je pense qu'on a eu tous les trois la même réaction quand on a discuté. On se dit bon, bah, le seul souci, c'est qu'ils veulent absolument mettre du jeu vidéo tout le temps à plein de moments, et parfois tu te dis bah, le truc, c'est que oui, en fait, en 2012, il y avait déjà eu Journey, en 2013, il y a eu Gnome, en fait, il y a des jeux qui voulait faire du narratif, raconter des choses, et qui avait dit bah maintenant on s'en fout, on va pas vous mettre des puzzles, je vous promets de puzzles, on va vous raconter des trucs et on va utiliser le narrative design. Là, c'est un jeu qui n'est pas encore là-dedans, en fait, qui n'a pas eu cette révélation là, entre guillemets, mais je pense aussi parce que bah, c'est des gens, encore une fois, qui ne venaient pas de là, en fait. Ils ont fait leur premier jeu narratif, pour eux c'était, enfin, premier jeu avec une grosse emphase sur la narration, alors que des gens, tu vois, je pense à Gnome, le mec qui l'a fait, c'est, et son équipe, c'est Steve Gaynor, il bossait sur BioShock où il y avait cette ambition de faire du narration, et du coup là il a dit bah du coup je me débarrasse des combats et je fais Gnome, et maintenant c'est un jeu vraiment narratif. Et là tu sens qu'il n'y a pas eu encore cette réflexion là, en fait, à ce moment là. Il y a probablement aussi une volonté plus mercantile de coller à un jeu, encore une fois, qui peut être présenté dans la presse généraliste en disant bah, regardez ce jeu, les collégiens peuvent y jouer, les enfants, les grands-parents peuvent y jouer avec leurs petits-enfants, etc. Tu avais une volonté, je pense, de faire un jeu très grand public, pas que ça soit négatif ou quoi que ce soit, mais ça implique forcément des choix en termes de gameplay, et donc on met des situations de jeu rassurantes, j'ai envie de dire. Je suis vraiment très scolaire, très simple. Tu vois un levier, tu vois une caisse, tu sais qu'il va falloir la pousser. Si tu as joué à deux ou trois jeux vidéo dans ta vie, a priori, si tu n'y as pas joué, en fait, bah, tu vas apprendre, tu te diras, bah tiens, ça marche bien, c'est ça, parce que voilà, encore une fois, c'est des choses qui sont très scolaires et qu'on fait leur preuve depuis très longtemps. Enfin, la course-poursuite avec les bagnoles, c'est du Game & Watch. Tu déplaces ton personnage pour éviter des projectiles. Et en plus, c'est que je trouve que c'est des séquences qui, pour le coup, moi, je les ai bien aimées. Tu vois, ça me fait marrer. À chaque fois que je joue en rythme avec la musique, je trouve ça rigolo, quoi. Non, ça fonctionne. Plus, t'as le char d'assaut, Metal Slug qui te poursuit. Enfin, il y a un côté très humoristique dans ces situations-là qui tranche avec le reste du jeu, qui marche bien. Mais parce que vraiment, le moteur créatif qui a été permis finalement par le format indé, c'était cette DA assez différente, que je trouve super belle d'ailleurs en termes de BD. Enfin, je trouve le trait qui est super bien réussi. Il y a des décors qui sont vraiment très beaux dans Soldat Inconnu. Et aussi, tu parlais du grand recul qu'on a à un moment. On a un grand panorama sur la cathédrale de Reims, je crois. Ouais. Et vraiment, ça fait partie. 5 secondes. C'est tout rapide, mais par contre, on en prend plein la tronche pendant quelques secondes, parce que vraiment, il se passe tout le temps des trucs en arrière-plan, etc. etc. Donc visuellement, c'est vrai que le moteur, il a quelque chose à montrer. Quoi. Ils avaient donc 7 DA et, pour résumer un peu ce qu'on a déjà dit, mais ils ont pu parler de Première Guerre mondiale. Un truc qui n'était pas vraiment possible dans le jeu vidéo. En tout cas, Ubisoft, s'ils avaient fait un jeu vidéo triple A, ça aurait pas été comme ça. The Division 1914. Far Cry 1914. Non, de base, ils disent, non les gars, faites la deuxième. En plus, voilà, les Américains, ils vont plus s'identifier. Enfin, il y a des raisons commerciales. Là, c'est bon, ils ont pu parler de Première Guerre mondiale, de faire ça en BD. C'était ça, je pense, vraiment l'objectif. Et voilà, les puzzles sont venus après. Ils se sont dit, on va meubler tout ça. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que sur ce niveau-là, voilà, comme on l'a dit, c'est assez scolaire. C'est, voilà, je pense que c'est le bémol qu'on pourra mettre au jeu. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'en 2021, bah, on a été éduqués, en fait, à regarder autrement le narratif. Et à ce niveau-là, le jeu a peut-être pris à la fois un petit coup de vieux. Et puis, on sent qu'il y a quand même un formatage qui fait que c'est pas juste trois petites personnes qui ont fait ça et qui ont pu expérimenter et faire des choses, même si ils le disent, hein, à leur échelle ça a été une expérimentation parce que c'était pas des jeux qu'ils avaient l'habitude de faire, mais bon voilà, c'est quand même un projet qui est bien fini, qui est quand même propre. Ouais, bah, tu sens qu'en dessus, gros voilà. Au-dessus il y a Ubisoft, il y a l'entité, tout, hein, voilà, forcément il y a le côté bon bah il faut qu'on fasse un jeu, ils sont une soixantaine de personnes, le jeu a été traduit dans plein de langues, donc il y a forcément eu tout un tas d'impératifs avec les comédiens, les comédiennes de doublage, etc. Enfin, tu sens que c'est quand même une production très conséquente par rapport à ce qu'on appelle en général les jeux indépendants, et donc bah, le résultat finalement arrive à trouver une sorte, en tout cas ça a vraiment marqué cette époque là parce que encore aujourd'hui Ubisoft, tu penses Ubisoft jeu indé, tu vois, tu cites ces deux jeux, ces jeux-là. D'ailleurs c'est marrant parce que bah, c'est comme ça qu'ils les ont vendus, c'est à dire que quand ils les mettent en bundle tous les deux sur la Switch, ça a aucun rapport hein, les jeux entre eux, mais bah voilà, ils mettent Child of Light et Soldat Inconnu parce que c'était la période, tu vois, c'est leur espèce de petite phase, tu vois, c'est la crise, tu vois, de midlife crisis de Ubisoft où ils se sont dit ouais, vas-y, on fait des jeux indés, et hop. Oui, c'est ça, parce qu'ils bah, ils ont terminé, on peut le dire maintenant. Comme oui, on disait, ils se sont arrêtés, effectivement. Alors, on peut dire que Johan Fanis, lui, il a quitté Ubisoft par la suite. Il a ressorti un autre jeu qui est sur la Première Guerre mondiale, hein. C'est donc 11-11 Memories Retold. Yes. Là, encore une fois, jeu beaucoup plus narratif. Cette fois, il y a beaucoup plus grosse emphase sur la narration. On n'y a pas joué, on peut le dire. J'ai regardé le début de Let's Play, j'ai regardé un petit peu. Donc, qui a joué, c'est bon. Parfait. Mais pour en parler vite fait, qui a aussi une DA très différenciante, ce qui donne un effet très peinture. C'est en collaboration avec un studio d'animation qui a fait notamment Wallace et Gromit et je crois Chicken Run, et qui est aussi à échelle humaine, tu vois, ça raconte l'histoire de deux hommes, un Canadien, un Allemand, et ça va un petit peu, ça va aller des deux points de vue, ils vont vivre différentes situations, il y a toujours un petit peu des petits puzzles, des petites choses qui ont l'air un petit peu dissonantes avec le ton, mais en même temps après c'est des impératifs d'action, hein, mine de rien c'est quand même, je prétends pas avoir la solution miracle, mais ouais, le jeu a l'air d'être plus ça serait un petit peu plus assumé le côté narratif, on veut te raconter une histoire. Et ça continue d'ailleurs, puisque donc il a fondé son studio, c'est Digixart. Digixart. Il l'avait fondé déjà pour 11-11. En fait, c'est Digixart et le studio d'animation. Qu'on fait les Hardman, le studio d'animation. Voilà, les gens de voilà, c'est Groomish avec leur petite pâte à modeler. J'ai cru qu'il y avait une blague avec un perso de Death Stranding. Non, c'est Hardman. Oh là là là, rien à voir avec. Ça va très très loin. Non. Il faut arrêter avec Death Stranding, c'est fini. Pardon, c'est qui développe d'ailleurs un nouveau jeu, hein, qui s'appelle Road 96, effectivement, donc qu'on a vu là récemment. Donc voilà, ils sont encore en train de travailler là-dessus et qui vraisemblablement sera aussi un jeu très narratif. 11-11, mais qui était aussi sorti pour le centenaire du coup, mais de l'armistice, puisqu'il est sorti en 2018. Voilà, 1918. Bien joué les Smarties. Pas mal. On peut, parce que tu parlais de la scène post-crédit de Freddy, c'est peut-être le moment de s'attarder quand même dessus. Mais après les crédits, c'est vrai qu'il y a un moment où on voit il y a la voix du narrateur qui reprend, qui dit, je sais plus vraiment, je paraphrase, mais c'était pas fini puisque la guerre a un appétit infini, et là on voit Freddy face, alors je ne sais pas, il faudrait que des historiens ou historiennes viennent me corriger sur le Discord, j'ai l'impression que c'est un navire que j'associe plus à la Seconde Guerre mondiale, personnellement j'ai pas fait qu'il y ait des bateaux, tu vois, ça te fait forcément penser au front du Pacifique ou choses comme ça, il y en avait déjà quand même, mais voilà, j'ai le modèle de bateau, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu justement dans des shooters ou dans des Call of Pacifique, etc. Mais voilà, comme on disait, c'est guerre 2, le retour, mais qui finalement n'a jamais été fait. Il n'y a pas eu de DLC, il n'y a pas eu de suite. Peut-être qu'il y a eu des projets de DLC, peut-être qu'il y a eu des projets de suite ou quoi que ce soit, et que ça a été soit tué dans l'œuf, soit abandonné en cours de route pour X ou Y raison. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que du coup, bah, effectivement, Fanis, lui, il a voulu continuer en fait dans cette direction-là. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, ce jeu-là, je pense que ça a marqué une sorte de tournant dans sa carrière. Ouais. Parce que bah, au début, il était, tu vois, tu passes de sound director à de Assassin's Creed, des game director, des lapins crétins, à finalement, bah, on va faire des jeux plus sur le côté narration. Et Road 96, ça a l'air de repartir là-dedans. Et puis bon, malgré tout, je pense que quand tu mets dans le pied, mets le pied dans, tu sais, les collaborations avec la mission Centenaire, ouais, le truc Apocalypse, tu te mets un peu dans ce circuit histoire, il y a des aides, il y a des fonds, il y a des choses comme ça. Non mais je non, dis mais pas de conneries, c'est vrai. Jouer, hein, et sûr, du coup, tu te dis bon bah en fait, il y a des choses à faire dans ce terrain-là. Mmh. Il est possible d'amener le jeu vidéo justement dans ce truc-là parce qu'on sera mis en avant. Et encore une fois, bah c'est vrai que faire un jeu qui parle de la Première Guerre mondiale, bah t'auras ton petit article dans Le Monde, des trucs comme ça. On parlera de toi différemment. Et bon, c'est pas bête quoi. Et l'autre élément qui a certainement motivé ça, c'est que Ubisoft a quitté tout ce filon-là parce qu'on disait 2014-2016, c'est le moment où les gros font de l'indé. Bon, c'est pas une tendance qui est restée. Il y a EA qui a continué à faire. Hein. Il y a eu Unravel 2, il y a eu Sea of Solitude, A Way Out, ou les jeux de Joseph Fares en général qui continuent d'éditer. Ubisoft a complètement arrêté après gros run. Il n'y a pas eu de projet similaire en tout cas qui ils ont arrêté de mettre en avant ces trucs-là. Ouais. En fait, c'est pour ça qu'on revenait tout à l'heure à la discussion sur est-ce que c'est des indés, est-ce que c'est pas des indés, parce que à cette époque, quand Ubisoft commence à arriver et EA commence à arriver avec ces projets-là, on peut se dire ah mais attends, ça se trouve en fait ils vont arriver ces gens-là et ils peuvent noyer le marché, ils peuvent complètement prendre la domination sur le marché parce qu'ils ont le manpower derrière. C'est-à-dire qu'Ubisoft, s'ils veulent, ils disent alors maintenant on a 1500 studios, les enfants, et ils vont tous faire des jeux indés. Il n'y a plus personne qui sort un truc. Ouais, 1500 studios de 4 personnes, voilà. Ils peuvent c'est le faire. Possible, hein. C'est possible, ils peuvent le faire. Et puis la stratégie d'Ubisoft aussi, elle est allée dans une direction. Alors de mémoire, le développement de Soldats Inconnus, je crois que c'est 2011-2014, hein, grosso modo. Ouais. Entre temps, ça veut dire qu'il y a eu Far Cry 3 et Watch Dogs qui sont sortis. Ces deux grosses licences qui sont arrivées pour Ubisoft, vous pouvez écouter notre épisode sur Far Cry 3, mais Far Cry 3 arrive et ils disent ok, on peut mettre la matrice Assassin's Creed en FPS, Watch Dogs c'est la matrice Assassin's Creed en TPS, et eux ils réfléchissent en licence, donc après c'est bon, on avait 5 Far Cry qui étaient partis, 8 Watch Dogs qui étaient en cours. Ubisoft a vraiment pris le virage du Game as a Service vraiment vénère à ce moment-là, puisque Assassin's Creed continue évidemment de sortir tous les ans. Il y a The Division qui est lancé aussi à ce moment-là, qui est un des gros projets de jeux service. Donc il y a Rainbow Six, il y a les For Honor. Alors, en fait, y a vraiment... quand tu regardes Soldats Inconnus, c'est une anomalie en fait, par rapport à ce qui est maintenant devenu Ubisoft, jeux service et compagnie. C'est vrai que c'est plus du tout là où on les attend. Je pense vraiment, moi, qu'ils se sont dit, bon, bah voilà, cette espèce de petit marché. J'imagine aussi que pour le moral des équipes, c'est chouette, en fait, de dire, bah écoutez, on va vous laisser un petit moment, vous pouvez faire un jeu peut-être un peu petit, où vous ne serez pas obligé de faire des petits cailloux d'une zone de jeu, vous pouvez faire plus de trucs. Je pense que c'est bon pour le moral des équipes, mais finalement, on fera des cailloux pour les open world, c'est mieux. Non, mais c'était une tentative. Ils auraient été bêtes de ne pas tenter de faire de l'indé, comme on dit, ils avaient toutes les compétences, toutes les ressources pour faire vraiment ce qu'ils font d'habitude en plus petit, entre guillemets. Mais voilà, de façon très cynique, moi je résume le truc, c'est que voilà, pour 1 euro investi dans The Division ou dans Watch Dogs, tu gagnes beaucoup plus d'argent que pour 1 euro investi dans un truc comme Soldats Inconnus. Et voilà, je pense que ça résume assez facilement la décision qu'a décidé de prendre Ubisoft, une décision d'entreprise. Et il faut pas l'oublier, c'était aussi une décision d'entreprise que de faire Soldats Inconnus. Oui, c'est ça, ils ont prenaient voulu, la température, en fait, se diversifier, ils se sont dit, tiens, on peut aller voir un peu, est-ce que ce marché-là, il y a quelque chose à faire ou pas. A priori, s'ils ne sont pas restés, c'est parce qu'ils ont considéré que, comme tu le disais, c'était pas suffisamment rentable ou ça fonctionnait pas. D'autres l'ont gardé, hein. C'est vrai qu'Electronic Arts continue à essayer d'associer comme ça des petits jeux à des très très gros jeux. T'as d'autres studios qui l'ont pas du tout fait. Square Enix ont tenté aussi à leur époque, ils avaient fait le Square Enix Collective, on en avait parlé tout à l'heure, ça a pas donné grand chose. Je crois qu'ils ont dû arrêter vers 2017. Ouais, ils ont quasiment arrêté aussitôt en fait. Donc c'est des initiatives, tu vois, qui sont nées, ils se sont dit oh finalement non, bon, on va revenir à ce qu'on sait faire finalement, de mieux. Finalement les indés sont faits par les indés et les labels et tout va bien. Oui, finalement la scène indé, elle de toute façon, elle a complètement muté, a complètement évolué, ça on en a parlé dans plein d'épisodes, il y a eu les centaines de publishers qui ont pris le relais et qui aident tout un tas de studios à se faire connaître, marketer, à trouver des identités, tu vois, à faire trouver des lignes éditoriales, etc. Mais en tout cas, pour les gros studios, et notamment comme Ubisoft, c'est ça, c'était une petite phase, tu vois, c'était vraiment juste une petite crise, comme ça, de quelques années, ils se sont dit, on va essayer de faire ça, c'est pas plus intéressant que ça, on revient à ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire les gros triple A. T'imagines les dirigeants, je sais pas, à l'occasion, tu vois, ils vont à un salon, quoi, il y a genre des photos, des jeux qu'ils ont fait, et puis ils voient Soldats Inconnus, ils font, ah oui, c'est vrai, on a fait ça, tu te souviens, en 2014, c'était marrant, c'était rigolo. C'était sympa. Bon, après, on dit ça plus ou moins, c'est-à-dire qu'Ubisoft, ils sortent tellement de jeux, parce qu'on l'oublie, c'est ça, tu vois, il n'y a pas que Assassin's Creed, Far Cry, etc. sortent des tonnes de jeux. Effectivement, il y a les Just Dance, c'est des gros titres, hein, mine de rien, qui rapportent comme ça, beaucoup d'argent, qui sont très importants dans le catalogue d'Ubisoft. Ils sortent leurs jeux mobiles à eux, ils sortent aussi des jeux sur Switch, des petits jeux, etc., un peu plus, plus légers. Oui, non, je suis en train de dire, le pauvre micro. En fait, c'est la planche à billets, il mimait la planche à billets d'Ubisoft. Regardez, Just Dance, Aya Nakamura, tout ça. Non, mais ils sortent quand même beaucoup de jeux différents, mais c'est vrai qu'il n'y a plus du tout cette volonté d'identifier certains projets et de les marketer comme étant des petits jeux indés. C'est-à-dire qu'ils ont des jeux avec des scopes peut-être un peu moins gros. Tu vois, il y a des Trials qui continuent de sortir, des choses comme ça. Mais par contre, bah, c'est toujours la grosse machine Ubisoft à chaque fois qu'il y a un gros jeu. Mais ouais, voilà. Du coup, c'est vrai que Soldat Inconnu, bah, on peut vraiment le voir comme le marqueur justement de cette petite crise, le symbole de cette époque-là. Enfin, en tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. Tu vois, on parle des discussions genre les indés, les vrais indés. Pour moi, c'est un jeu qui arrive tout de suite en image d'illustration parce que c'était ce cas très particulier d'Ubisoft qui faisait de l'indé. Et voilà, comme dit, moi j'y avais pas joué à l'époque, hein, j'ai joué là pour Fin du Game. D'ailleurs, on l'a tous les trois fait pour Fin du Game. Hein. C'est un de ces rares jeux où on s'est dit, bah voilà, il est plus ou moins connu, on va essayer d'aborder, de le voir pourquoi ce jeu-là il est resté. Et une des raisons pour lesquelles on s'est dit que c'est une bonne idée, c'était justement parce que voilà, c'était Ubisoft qui faisait entre guillemets de l'indé. Oh, mais on révèle tout, on dit tout comme ça, voilà, la mayonnaise. En fait, on prévoit des trucs sur la liste, mais c'est ouf. Hein. En fait, vous voulez dire qu'on réfléchit ? D'accord, ok, incroyable. Ah, c'est ça qu'on fait là, toutes les réunions, on parle tout le temps pendant des heures. C'est quand même intéressant de dire que voilà, le contexte du jeu, sa situation, elle est presque aussi intéressante que le jeu lui-même. Bah c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. C'est vrai que spontanément, je pense que dans la liste, la fameuse liste des jeux, c'est effectivement le seul auquel on n'avait pas joué, aucun d'entre nous, mais on savait que c'était un jeu dont il allait falloir parler parce que bah, il apportait un truc intéressant. Et puis même en 2021, comme on le dit, je trouve que voilà, un jeu sur la Première Guerre mondiale, comme on dit, ça continue de trancher un petit peu. Bah, là, en plus, dans le contexte actuel où t'as un jeu comme Six Days of Fallujah qui va sortir dans pas longtemps, qui va être une espèce de propagande, tu vois, où ils vont essayer de glisser tous les crimes de guerre des Américains sous le tapis en disant « Regardez ces petits soldats !» Tu te dis « Ah oui, c'est marrant de voir justement le contraste entre ces deux traitements de la guerre, un qui va être un peu plus sur le côté historique et un autre qui va vouloir réécrire l'histoire et assumer comme tel son geste, on va dire. » Après, je doute pas qu'il y a peut-être des vision de Soldat Inconnu à critiquer. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai pas vu vraiment de discours, de consensus sur Soldat Inconnu. Il parle mal de la guerre, comme ci, comme ça. Bah, ouais, je pense. Mais évidemment, faut pas non plus le voir comme le truc où on va apprendre l'histoire. Oui, c'est non, pas un livre d'histoire. Hein, non, le jeu. Il y a plein de choses qui sont ludifiées. La représentation de l'attente, elle n'est pas là parce que bah, c'est pas possible d'en faire un jeu de l'attente. Alors, on peut le faire. Hein. Il y a The Longing qui fait ça. C'est possible. Mais voilà, ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, c'est vrai que on n'est pas trop rentré là. Après, je pense qu'il faut pas non plus mentir aux gens. Moi, je suis pas un historien. Hein. J'écoutais déjà pas beaucoup pendant les cours d'histoire en 4e, 3e. Je préférais aller faire les cons avec les copains. Donc, c'est vrai que je vais pas faire semblant là-dessus. Mais voilà, je pense que le jeu remplit sa mission, en fait, si tu le prends tel quel, c'est-à-dire juste un projet commémoratif qui met en scène et en jeu des images de la Première Guerre mondiale et qui, quand même, te permet d'apprendre ou de voir 2-3 trucs intéressants et de te souvenir de ce qui s'est passé. Ouais, moi, je vois ça comme un pont. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de dire ça va remplacer l'éducation. C'est de la vulgarité. C'est de la vulgarisation façon, et du coup ça peut servir de tremplin, genre si ça t'intéresse, bah de toute façon tu peux aller chercher les documentaires, tu peux les regarder, tu peux taper dans les livres, etc. Et là tu vas avoir beaucoup d'informations si tu veux t'informer beaucoup plus en avant sur l'histoire. Et comme on l'a dit, je pense qu'il y a le côté cartoon qui permet de mettre un petit peu de distance, de savoir que c'est pas 100% collé à la réalité ou quoi, mais à côté de ça il va assumer certaines positions qui elles sont bien réelles. Donc ouais, si on prend un peu de distance, non, je pense que c'est quand même un jeu La DA fait que ça n'a pas vieilli parce que ça bouge pas, ça c'est l'avantage, hein. De la 2D, de toute façon on pourra y jouer, vous pouvez y jouer vous si vous écoutez l'épisode et que vous aviez pas fait le jeu, vous faites partie de cette petite population qui nous écoute même sans avoir fait le jeu, bah faites-le parce que vraiment ça vaut le coup. Ça moi a je pas l'ai fait sur Switch, c'était vraiment parfait. Voilà, il y a des situations de jeu qui sont pas ouf, mais bon c'est un jeu qui dure quoi, 5-6 heures, donc c'est pas non plus incroyable, c'est pas grave, voilà, ça va vous irriter pendant quelques secondes puis vous passerez au prochain puzzle et ça se passera très très bien. Très bien, et bien écoutez, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. N'oubliez pas le Patreon, la blacklist, il faut garnir le Patreon pour qu'on puisse parler pas de jeux qui durent 6 heures, non, des jeux qui en durent 30, ouais, qui en durent 40. Vous allez me faire jouer à Pokémon. Voilà, j'ai jamais joué à Pokémon, ça va être dur, hein, parce que c'est vraiment... Enfin, j'y ai joué aussi il y a quelques années, histoire de pas mourir idiot quand même, de me renseigner, mais bon, ok, voilà, la blacklist, ça va être particulier. J'ai 2 mots, Diablo 3. Eh ben oui, non, mais et pour vous, c'est la même chose. De toute façon, c'est ça, hein, l'histoire de la Blacklist. C'est des jeux qui, pour vous, tu vois, chacun d'entre nous individuellement, on est là. Mais c'est évident, il faut jouer à Diablo 3, il faut jouer. Moi, j'avais mis Parasite Eve, Dragon's Dogma, tu vois, c'est des jeux du cœur, des trucs comme ça. Pour vous, je peux comprendre que c'est difficile. Mais justement, ce n'est pas vous qui choisissez. Et oui, c'est vous qui nous écoutez. C'est vous qui nous écoutez. On remercie également Auteur d'édition pour leur sponsor. Allez checker leur page Twitter, la boutique. Les soldes, c'est fini, malheureusement. Je crois qu'ils les ont prolongés. Oh là là, mais parce qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça chez Third, voilà, ils se font plaisir. Donc vous pouvez encore peut-être choper des bouquins à bas prix. L'ascension du roi du RPG, la genèse, la rédemption d'un titan, The Diablo. Oh, Diablo, ça, c'est... il n'est pas été réimprimé encore, il est en rupture pour l'instant. Oh là là, les ruptures, parce qu'on a des gens successful autour de cette table, et oui, c'est comme ça. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On vous dit à dans 2 semaines. Salut. Ciao.